En Corée du Sud, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté a publié le 4 courant une déclaration pour réclamer aux autorités sud-coréennes d'accepter le projet de la Corée socialiste sur l'ouverture de la conférence pan-nationale pour la réunification.